الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on commence aujourd'hui, c'est le cours 146 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan. Et donc, on commence une nouvelle partie, c'est la dernière partie du livre en réalité. Et il nous reste à peine une trentaine de pages. Donc, Inch'Allah, on va terminer le livre. Donc, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit « Faslun, wa mimma yajibu an yu'lama anna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ila jami'il insi wal jinn. فلم يبقى إنسي ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه فعليه أن يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر. Donc ici le Cheikh Ibn Taymiyyah il explique un point très important, et c'est le fait que Yani, comme il dit, parmi les choses qui sont obligatoires, c'est-à-dire qu'on doit obligatoirement savoir, c'est le fait que Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à tous les hommes et à tous les djinns. Et donc, il ne reste plus aucun être humain et aucun djinn, excepté que c'est obligatoire pour lui de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre et de croire en ce qu'il a donné comme information au sujet de la religion et de lui obéir dans ce qu'il a ordonné. Donc ça c'est très très important à comprendre. Pourquoi? Parce que parfois certains parmi les soufis, ils essaient de prétendre que certains d'entre eux ils sont exemptés de devoir se soumettre à la charia ou de devoir suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a ordonné. Ils disent parce qu'ils disent qu'ils ont atteint le degré de la certitude et par conséquent ils sont libérés des obligations de la charia, ou bien certains d'entre eux qui prétendent qu'ils ont rencontré Al-Khidr. Hein, comme à l'époque de, par exemple, de Moussa, lorsqu'il a rencontré Khidr, ils prétendent que eux, ils ont rencontré Khidr. Et par conséquent, puisque Khidr n'était pas obligé de suivre la charia de Moussa, alayhi salam, eh bien, eux, ils disent, nous, on n'est pas obligé de suivre la charia de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on a rencontré Khidr et on a des connaissances secrètes, et par conséquent, on est exempté de devoir obéir à la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière que Khidr était exempté de suivre la charia de Moussa, alayhi salam. Et ça, c'est totalement batil. Le cheikh, il va justement expliquer les preuves à ce sujet-là. Et juste pour comprendre, donc, qu'il n'y a personne parmi les êtres humains, que ce soit un homme ou un djinn, excepté que c'est obligatoire pour lui de croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de le suivre et de lui obéir dans tout ce qu'il a ordonné. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ici. Il dit « Kama anna risalata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amma lil ins, fahiya ammatun lil jinn. Fahuwa mab'uthun ila thakalayn, al jinn wal ins. Fatajibu ala al jinn ta'atu al-rasul sallallahu alayhi wa sallam kullahum. » كلهم فتجب على الجن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم لا يختلف أحد أو لا يتخلف أحد ولذلك لما سمع نفر من الجن القرآن أعجبهم واستمعوا له وذهبوا إلى قومهم ودعوهم إلى الله وبلغوهم ما سمعوا من القرآن يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به دل هذا على أن الجن مخاطبون بالقرآن وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم. Donc le cheikh explique que Le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il est général pour tous les êtres humains, il est également général pour tous les djinns. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé aux deux mondes, le monde humain et le monde des djinns. Et c'est obligatoire donc pour tous les djinns d'obéir au messager, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Aucun d'entre eux n'a le droit de sortir de cet ordre ou de rester en dehors de cette obligation-là. Et ça aussi c'est important, parce que parmi les shayatin al-ins, parmi les awliya al-shaytan, il y en a qui vont justement avoir recours aux djinns ou essayer de demander l'aide des djinns et rentrer en contact avec les djinns. Et les djinns avec lesquels ils rentrent en contact sont des shayatin, sont des diables, hein, parce qu'ils sont les alliés du shaytan, hein, donc ils désobéissent à Allah. Et par conséquent, yani, ils doivent comprendre que c'est obligatoire, même pour ces djinns-là, de se soumettre aux ordres d'Allah et d'obéir aux messagers. Ils n'ont pas le droit, ces djinns, de désobéir à Allah ou de aider les sorciers dans ce qu'ils font comme shirk, hein, ou comme sihr, ou comme kofr. Yani, ils n'ont pas le droit d'aider les êtres humains à faire ces choses-là. Donc même ces djinns-là eux-mêmes doivent cesser de faire ça et se soumettre à Allah et se repentir de ce qu'ils font. Donc si les djinns n'ont pas le droit de le faire, eh bien les êtres humains qui rentrent en contact avec eux n'ont pas le droit non plus, encore moins de, yani, justement utiliser ces djinns-là ou chercher à entrer en contact avec ces djinns-là pour se permettre de faire ces choses. D'accord? Donc, le cheikh, il explique que lorsque les djinns ont entendu le Coran la première fois, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah il nous mentionne dans Surat al-Ahqaf, qu'il y a un groupe parmi les djinns qui a entendu la récitation du Coran. Et lorsqu'ils l'ont entendu, ils l'ont trouvé merveilleux. Ils ont été émerveillés par la récitation du Coran et ils se sont réunis pour écouter. Puis ensuite, ils sont retournés vers leur peuple pour les inviter à Allah et pour leur transmettre ce qu'ils ont entendu du Coran. Et c'est là qu'on voit dans le verset 31 dans Surat Al-Ahqaf que Allah Azza wa Jal, il mentionne justement leur parole lorsqu'ils sont retournés à leur peuple. Ils ont dit: ô notre peuple, répondez à l'invitation d'Allah ou à celui qui invite à Allah et croyez en lui. Hein? Et répondez à celui qui invite à Allah et croyez en lui. Et le cheikh, il dit que ça, c'est la preuve que les djinns ont eux aussi l'ordre de suivre le Coran et que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé non seulement aux êtres humains, mais il a été également envoyé aux djinns. D'accord? Et il mentionne ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il dit: wa an yusaddiq ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi ma akhbar fi al-akhbar al-madiyah wa al-akhbar al-mustaqbalah mimma atla'ahu Allah alayhi min 'ilm al-madi wa al-mustaqbal akhbara anhu yusaddiq ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi hadha. يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجني والإنسي ويطيعه فيما أمر يعني فيما أمر يعني أمر صلى الله عليه وسلم بأوامر فيجب امتثالها. Donc ici le cheikh explique que il est donc obligatoire aux hommes et aux djinns de croire en ce que le messager d'Allah Azza wa Jal, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a mentionné comme information. Et il s'agit ici, bien entendu, des informations qu'il nous a mentionnées au sujet du passé et de l'avenir. Et des choses que Allah Azza wa Jal lui a données comme connaissance à propos du passé et du futur. Donc, on doit croire en tout ça. Et le musulman, donc, par conséquent, il croit en ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mentionne à ce sujet-là. Qu'il soit un homme ou un djinn, et il obéit au messager dans ce que le messager a ordonné. Et donc, ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, c'est obligatoire de le mettre en pratique et de le suivre. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit « وَمَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ بِرِسَالَتِهِ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ فَهُوَ كَافِرْ سَوَاءٌ كَانَ إِنْسِيًّا أَوْ دِنِّيًّا وَمُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَبْعُوثٌ إِلَى الثَّقَلَيْنِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ » Donc le Cheikh, il explique que celui sur qui la preuve du message a été établie, hein, et qu'il n'a pas cru en le messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors il est kafir, c'est un mécréant, peu importe qu'il soit un être humain ou un djinn. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, « Man balagathu al-hujja bi bi'athatihi sallallahu alayhi wa sallam fil mashariq wal magharib min al-arab wal-ajam wal-djinn wal-ins falam yu'min fahuwa kafir » من اليهود والنصارى من أهل الكتاب إذا لم يؤمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهم كفار ولا شك في كفرهم بل كفرهم أغلظ من كفر غيرهم لأنهم عرفوا الحق وعاندوه بعد معرفته وسواء كان كتابيا أو غير كتابي. Donc le Cheikh il dit, pour clarifier le propos de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il dit, celui à qui la preuve de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été, celui à qui est parvenue la preuve de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de son message, qu'il soit à l'est ou à l'ouest, qu'il soit arabe ou non arabe, qu'il soit un être humain ou un djinn, s'il n'a pas cru en lui, alors il est kafir. Qu'il soit parmi les juifs ou les chrétiens, ou des gens du livre, comme on les appelle, et qu'il n'a pas cru en ce messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est des kuffars. Et il n'y a aucun doute sur leur kufr, sur leur mécréance, même que leur mécréance, c'est-à-dire la mécréance des juifs et des chrétiens, que ce soit des êtres humains ou des djinns, leur mécréance est plus grave que la mécréance des autres kuffars qui ne sont pas des gens du livre. Parce que les gens du livre ont connu la vérité. Donc ils ont, disons, un avantage sur les autres mouchriquins et les autres kuffars. Parce qu'ils ont une partie de la connaissance déjà. Donc si le message de la vérité leur parvient, hein, au sujet de l'islam, et qu'ils refusent de l'accepter, après l'avoir connu, alors à ce moment-là, c'est clair que leur mécréance est beaucoup plus grave que la mécréance des autres koufars, mais de façon générale, hein, qu'ils soient des gens du livre ou des gens qui n'ont pas reçu de livre, dans tous les cas, ils sont des koufars s'ils ont renié, hein, la prophétie et le message du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il explique que il dit وهذه عقيدة لا بد أن تعتقد أنه مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس فمن قال لا ما هو مبعوث إلى كل الناس مبعوث للعرب فقط هو نبي لكنه نبي للعرب هذا كافر لأنه مكذب لله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فالذي يقول إنه ليس رسولا إلى الناس كافة هذا كافر الذي يقول إنه رسول إلى الإنس وليس رسولا إلى الجن هذا كافر أيضا لا بد من الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم ووجوب طاعته والإيمان به على جميع الثقلين هذا من أصول العقيدة. Donc le Cheikh il explique que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a donc été envoyé à tous les peuples, les djinns et les êtres humains aussi. Les êtres humains et les djinns aussi. Et ça, c'est selon l'accord de tous les musulmans, tous les savants de l'islam, à travers l'histoire, depuis l'époque des sahaba jusqu'à nos jours. Il n'y a aucun savant qui a divergé sur ce sujet-là. Et donc, le Cheikh, il dit que ça, c'est la aqidah qui est obligatoire. Et donc, personne n'a le droit de douter à ce sujet-là. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux hommes et aux djinns. Et que celui qui ne croit pas en ça et qui dit non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé à tous les hommes. Parce qu'il y en a parmi les gens qui disent ça. Ils disent non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était seulement envoyé aux Arabes, seulement. Tandis que les non-Arabes, ils n'ont pas besoin, hein, ils sont pas obligés de le suivre ou de lui obéir. Il dit, celui qui croit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était seulement un prophète pour les Arabes seulement, il est kafir. Et il a démenti la parole d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 157, dans Surat Al-Araf, ainsi que dans d'autres versets. Ici, il dit dans ce verset-là, il dit ce qui signifie. Dis au Muhammad, ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Hein? Je suis pour vous tous le messager qui a été envoyé, hein, de la part d'Allah. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas seulement le messager pour les Arabes, il est le messager pour tous les peuples. Toutes les origines, toutes les langues, toutes les cultures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager qui a été envoyé, qui est le dernier messager, et il est un messager universel. Il est venu pour tous les peuples, toutes les langues, toutes les cultures. Hein? Et même si son message est en arabe, même si le Coran est révélé en arabe, ça ne veut pas dire que c'est seulement un message qui est adressé seulement aux Arabes. Ça, c'est seulement le message, son langage d'origine. Mais ça ne veut pas dire qu'il est restreint ou qu'il est limité aux Arabes. Le message de l'islam, c'est un message universel. D'accord? Et il est traduit en toutes les langues aujourd'hui, de toute façon, alhamdoulilah. Et tout le monde peut avoir des traductions de ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné dans sa langue aujourd'hui. Donc, il n'y a plus d'excuses pour personne. Et à l'époque, justement, quand les sahaba, ils partaient pour faire la da'wa dans le monde, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, comment ils faisaient pour transmettre le message aux différents peuples? Hein? Eh bien, ils utilisaient des traducteurs, des gens qui connaissaient la langue, et puis, ils leur traduisaient la signification du message. Hein? Et ensuite, ces peuples-là ont appris l'arabe, et puis ils ont compris la religion en étudiant la religion dans sa langue d'origine. Mais tout ça, c'est pour dire que le fait que le message de base soit dans une langue, ça ne veut pas dire que ça exclut les autres. Sinon, regardez par exemple aujourd'hui combien de gens parmi les peuples, ils sont par exemple chrétiens, hein? Beaucoup de gens sont chrétiens dans le monde. Pourtant, ils ne parlent pas l'hébreu, hein, et ils ne parlent pas l'araméen, alors que le langage de Jésus, c'était, hein, Issa alayhi salam, il parlait l'araméen. Hein? Donc, tout ça pour dire que le fait qu'un messager parlait dans une langue, ça n'empêche pas, hein, ça n'empêche pas que le message soit universel. Et ensuite, également, le cheikh, il explique que celui qui dit également qu'il était le messager envoyé seulement aux êtres humains et qu'il n'a pas été envoyé aux djinns, donc il est kafir. De la même manière que celui qui dit qu'il est seulement envoyé aux Arabes, il n'est pas envoyé à tous les hommes, celui-là aussi, il est kafir. D'accord? Il est mécréant s'il dit ça. Le cheikh, il dit, il faut absolument donc croire en l'aspect général du message de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est obligatoire pour tous les êtres humains et pour les hommes et les djinns, hein, sans exception, de croire et d'obéir, hein, à ce messager. Et ça fait partie des fondements de la aqida de l'islam. Si quelqu'un remet ça en question, alors il n'est pas musulman. Même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il fait le hajj, s'il remet en question ce fondement-là, ainsi que n'importe quel autre des fondements de la croyance islamique, eh bien, il n'est pas musulman, même s'il prétend. Hein? Et le cheikh, il explique ensuite, il dit, « وَقَدْ اِسْتَمَعَتْ الْجِنَّ الْقُرْآنَ وَوَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف وأخبره الله بذلك في القرآن بقوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به نغفر لكم من ذنوبكم ويغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين نعم donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il explique que un groupe d'entre les djinns avait entendu le Coran et ils sont ensuite partis hein, vers leur peuple pour les avertir hein? Et ça c'était lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat dans un endroit qui s'appelle hein, Batni Nakhla en revenant de Taif. Et donc quand il revenait de cet endroit là hein, il a fait la prière et les djinns l'ont entendu hein, réciter le Coran. Et c'est à ce moment-là que ils se sont justement réunis pour l'écouter. Et ils se sont donc dit ces propos-là. Et par rapport à justement ces versets que le cheikh il a cités, c'est les versets de 29 à 32 dans Sourate Al-Ahqaf. Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie rappelle-toi, ô Muhammad, lorsque nous dirigeâmes vers toi un groupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent « Ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moussa, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un droit chemin. Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah, hein, celui qui appelle à Allah, et croyez en lui. Hein, il vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah, c'est-à-dire celui qui invite à Allah, hein, ne saura échapper au pouvoir d'Allah sur terre, et il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement évident. Donc ça, c'est les propos hein, que les djinns ont mentionnés à ce moment-là et que Allah Azza wa Jal a mentionné à leur sujet. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, pour expliquer ce passage-là, il dit « وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ » يعني عندما رجعه من الطائف عندما دعا أهل الطائف لما قابلوه والعياذ بالله في المقابلة السيئة رموه بالحجارة وعاد صلى الله عليه وسلم مهموما ويعني مهموما عندهم قيد الله له من الجن من يستمعون القرآن يبلغونه لقومهم يعني ووادي نخلة بين الطائف ومكة معروف الآن النخلة اليمانية النخلة الشامية يعني وادي donc ici le cheikh il explique que Allah Azza wa Jal il dit donc nous avons dirigé vers toi un groupe d'entre les djinns qui ont entendu le Coran, ils ont écouté le Coran. Ça c'est lorsqu'ils revenaient de Taif hein, et que les habitants de la ville de Taif l'ont mal reçu hein, wal'iyadhu billah, ils l'ont chassé avec des pierres. Hein? Et donc, il est retourné donc vers Mecca et il était yani, soucieux. Hein? Et Allah Azza wa Jal lui a envoyé yani, l'information que yani, un groupe d'entre les djinns se sont réunis pour écouter le Coran. Donc, ils se sont rassemblés autour de lui pour entendre la récitation du Coran. Et ils sont partis ensuite informer leur peuple à ce sujet. Et l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette rencontre avec les djinns, c'était une vallée où il y a des palmiers entre Taif et Mecca. On l'appelle Wadi Nakhla. Et c'est un endroit qui est connu jusqu'à aujourd'hui. Hein, il y a différents endroits comme ça. Hein, on appelle ces endroits-là par différents noms. On les désigne par différents noms selon l'endroit où ils se trouvent. Al-Nakhla, Al-Nakhla Al-Yamaniya, Al-Nakhla Al-Shamiya. Donc j'imagine que Al-Yamaniya, c'est celle qui est au sud. Et Al-Shamiya, c'est celle qui est au nord. يعني على كل حال الشيخ يجي ensuite دل على أن من سمع القرآن يجب عليه أن ينصت له أن ينصت له يعني ويقطع الشواغل ليستفيد ويتأدب مع القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يعني لا تنشغلوا عنه لأنه يخاطبكم فكيف يخاطبك الله وأنت معرض عنه مدبر عنه والعياذ بالله وهذا دليل على أن من تعلم علما مما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبلغه للناس وهذا دليل على أنهم يؤمنون بموسى وبالتوراة فليس الإنسان بهواه يقول أنا حر ليس بحر بل هو عبد الله عبد لله ويجب أن يطيع الله سبحانه وتعالى وأن يعبد الله وأن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان يريد النجاة لنفسه فالإنسان فالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الحرية في الحقيقة هو الحرية في الحقيقة وهو الحرية الصحيحة أما عدم الإيمان بالله ورسوله فهو الذل والعبودية للهوى وللشياطين أما عدم الإيمان بالله نعم ورسوله فهو الذل والعبودية للهوى للشياطين لدعاة الضلال يعني يصير عبدا لغير الله عز وجل ولا بد الإنسان عبد مهما كان إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغيره ما يخرج الإنسان عن العبودية أبدا هو عبد ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان يعني صاروا رقة للشيطان ولأهوائهم فالحرية الصحيحة هي الإيمان بالله والعبودية والذل هي الكفر والشرك بالله عز وجل. Donc le cheikh il explique que tout ça c'est la preuve que la personne qui entend le Coran, c'est obligatoire pour elle de l'écouter attentivement et de cesser de faire ce qu'il de cesser de faire ses distractions ou les choses qu'il a distrait ou qu'il l'occupe d'écouter le Coran. Donc le cheikh il dit ça c'est pour pouvoir profiter de la parole d'Allah et aussi c'est une question de bon comportement et de bonne manière avec le Coran. Yani Allah Azza wa Jal il dit dans le verset dans Surat Al-A'raf, le verset 204, et lorsque le Coran est récité, alors écoutez, écoutez-le et soyez attentif. Gardez le silence et soyez attentif. C'est-à-dire, ne soyez pas distrait par d'autres choses, parce que Allah Azza wa Jal est en train de s'adresser à vous. Donc comment Allah Azza wa Jal s'adresse à toi et toi tu te détournes et tu t'occupes à faire d'autres choses, wallahu billah. Donc ça c'est pas correct. Il y a des gens parfois c'est ça qu'ils font. Ils font jouer un audio de la récitation du Coran dans la maison et on dirait que c'est juste pour faire de l'ambiance, C'est juste pour faire de l'ambiance ou bien pour yani, c'est comme s'ils veulent remplacer le Coran, ils veulent remplacer la musique par le Coran, hein? Donc ils veulent pas écouter de musique parce qu'ils savent que la musique c'est haram, donc ils mettent le Coran à la place pour mettre de l'ambiance et ils écoutent même pas, hein? Allah Azza wa Jal, il parle, hein? Sa parole est récitée. Et eux, ils donnent aucune attention, ils réfléchissent pas sur les propos qui sont mentionnés, ils essaient pas de, yani, de porter l'oreille et de se concentrer sur ce qui est mentionné. Donc ça, c'est un manque de respect envers le Coran, hein? Et c'est pour ça que le cheikh dit qu'il faut écouter attentivement quand le Coran est récité. Le cheikh dit ensuite que ça, c'est la preuve que également celui qui a appris une science de ce que Allah Azza wa Jal a révélé à son messager, il est obligatoire pour lui de transmettre cette science aux gens, hein, et de la faire partager aux autres. Et il dit, il y a également dans ça la preuve que yani, les djinns croyaient également en Moussa et en la Torah. La preuve, c'est que dans le verset, il mentionne justement que il y a un livre qui a été révélé après Moussa. Qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Moussa musaddiqan lima bayna yaday. C'est-à-dire, on a entendu un livre, hein, qui a été révélé après Moussa, hein, c'est-à-dire après la Torah. Et il y a qui confirme ce qui est révélé auparavant. Donc ça, c'est la preuve qu'ils ne croyaient pas seulement en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont cru auparavant en la Torah et en Moussa alayhi salam. Et le cheikh, il dit, l'être humain, il ne doit pas suivre sa passion puis dire je suis libre, hein, je suis libre, je fais ce que je veux, parce que en réalité on n'est pas libre, personne n'est libre, on est un esclave d'Allah, on est un serviteur d'Allah, et c'est obligatoire pour nous d'obéir à Allah Azza wa Jal. Il dit, et d'adorer Allah et d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est si tu veux le salut pour toi-même et que tu veux sauver ton âme au jour de la résurrection. Il dit donc, tu dois croire en Allah et en son messager. Et c'est ça la vraie liberté. C'est ça la vraie liberté, la liberté réelle. Il dit, tandis que ne pas croire en Allah et en son messager, eh bien ça, en réalité, c'est une forme d'humiliation et de rabaissement. C'est comme si tu deviens esclave de ta passion à ce moment-là. Si tu te libères de la vraie servitude, tu te libères de ton créateur et de la soumission à ses ordres, eh bien, tu passes de la vraie liberté à la vraie servitude. Parce que à ce moment-là, tu deviens esclave de tes passions et du shaitan. Hein? Et Allah Azza wa Jal, quand tu es son esclave, c'est uniquement pour ton bien à toi. Parce que ton créateur, hein, il te demande de lui obéir et d'être soumis à lui uniquement pour ton bien à toi. Tandis que toute autre créature qui veut te rendre esclave ou qui veut faire de toi un esclave, il veut le faire pour son bien à lui, non pas pour ton bien à toi. Et c'est pour ça en réalité que lorsque quelqu'un n'est pas esclave d'Allah entièrement et exclusivement, eh bien il devient esclave de ses désirs et de sa passion, et par conséquent il devient esclave du diable, du shaitan, qui veut tout son mal, qui veut sa perte. Hein? Et l'être humain est dans l'illusion, hein, et dans il s'imagine que lorsqu'il suit sa passion, il est vraiment libre. Alors que c'est tout à fait le contraire. c'est lorsqu'il résiste à sa passion et qu'il refuse d'obéir aveuglément à ses désirs et à ses passions et qu'il se soumet à son Créateur, c'est à ce moment-là qu'il devient libre en réalité parce qu'il n'est plus obligé de dépendre de rien d'autre, hein, des créatures qui... Parce que les autres créatures, ils ont besoin de quelque chose. Et ton Créateur, c'est le seul qui n'a besoin de rien. Donc, en te soumettant à ton Créateur, c'est là que tu deviens vraiment libre parce que tu es soumis à Allah pour ton bien à toi. Tandis que les créatures qui veulent te faire suivre leurs passions et leurs désirs, tu deviens leur esclave pour eux. Hein? Et donc, à la fin, c'est toi le perdant. Et regardez, tous les diables, tous les shayatins, qu'ils soient humains ou qu'ils soient parmi les djinns, lorsqu'ils t'appellent à désobéir à Allah, regardez bien dans toutes les choses auxquelles ils appellent les êtres humains, il y a toujours un profit quelque part pour eux, quelque chose qu'ils te demandent en retour. Il y a toujours de l'argent à payer quelque part. Hein? Et c'est seulement Allah Azza wa Jal qui te demande de te soumettre à lui, mais pour ton bien à toi seulement. Pas pour lui, il n'a rien à retirer de ton obéissance et de ta soumission. Et si tu ne te soumets pas à lui, il ne perd rien, hein, de ta désobéissance ou de ta rébellion. Ça ne l'affecte pas et ça ne lui fait aucun tort. Hein? C'est seulement pour toi. Si tu le fais, c'est pour ton bien à toi. Donc, en réalité, c'est ça que beaucoup de gens ont été trompés. Hein, à s'imaginer que la vraie liberté, c'est de faire ce qu'on veut dans la vie, hein, alors que c'est tout à fait le contraire. Et le cheikh, il dit, donc, l'être humain, peu importe qu'est-ce qu'il fait, peu importe qu'est-ce qu'il pense, hein, il est un esclave. Il est fondamentalement dans sa nature et dans son être un esclave. Parce que l'être humain, il a des besoins qui ne pourront jamais être rassasiés ou comblés. Peu importe, il aura toujours besoin de quelque chose. Hein? Ses besoins sont infinis. Et donc, par conséquent, il aura toujours besoin ou il voudra toujours quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Hein? Et donc, il est esclave à cause de ça. Il est fondamentalement esclave. Et le cheikh, il explique et il dit que, yani, l'être humain, parce qu'il est esclave, s'il refuse de se soumettre à son Créateur, eh bien, il va devenir esclave des créatures. Il va devenir esclave des créatures, de sa passion, des shayatines, hein, des autres êtres humains, des autres créatures. Donc, le cheikh, il dit, soit tu es un serviteur d'Allah, ou soit tu vas être le serviteur d'autre que Allah. Mais peu importe, de toute façon, tu ne vas jamais sortir de cet état de servitude dans lequel tu es, parce que c'est ton état fondamental, c'est ta réalité. Et c'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim, il dit dans An-Nuniyya, il dit, « Harabu min ar-riq alladhi khuliqu lahu. » Ils se sont enfuis de la servitude, hein, et du joug pour lequel ils ont été créés, c'est-à-dire la servitude de leur Créateur, l'adoration d'Allah. Fabulu biriqin nafsi wa shaytani. Et ils ont par conséquent été éprouvés par le joug de leur nafs, de leur passion, de leur ego et du shaytan, le diable. Hein. Et donc ils sont devenus esclaves du diable et de leur passion. Donc, le cheikh, il explique, il dit, la vraie liberté, c'est la foi, c'est dans la foi en Allah que tu peux la trouver seulement. Et dans le fait d'être soumis et d'être asservi à ton Créateur et de te rabaisser à ton Créateur, c'est là que tu t'élèves en réalité. Tandis que sinon, tu deviens esclave, hein, du shaitan, et tu tombes dans le coffre et dans le shirk et tu vas, hein, te perdre. Et dans l'au-delà, tu vas être dans l'enfer pour l'éternité. Voilà, yad billah. Donc ça, c'est une clarification très importante, parce qu'il y a beaucoup de koufars qui disent, nous on veut la liberté, hein, on veut être libre. Et pour eux, pourquoi ils disent ça souvent? C'est parce qu'ils considèrent que la religion, c'est l'ennemi de la liberté. Ils disent ça. Et même, on entend ça dans certains pays de Koufar. Ils disent, on veut libérer la femme musulmane. Hein? De quoi ils veulent la libérer? Ils veulent la libérer du shaitan? Ils veulent la libérer de quoi? Hein? De leur nafs? Ils veulent la libérer de leurs désirs et de leurs passions? Non! Ils veulent la libérer d'Allah, hein, et de sa religion. Parce qu'ils considèrent que la religion, c'est, hein, l'ennemi de la liberté. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de liberté en dehors de l'islam. La vraie liberté, c'est dans la soumission à Allah. Et ça, personne ne peut le comprendre, excepté celui que Allah a guidé et a illuminé son cœur avec la vérité. Sinon, il devient aveuglé par ses désirs et ses passions. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit la passion, hein, l'amour est aveugle. On dit l'amour est aveugle. Eh bien, c'est vrai parce que c'est souvent les passions qui nous aveuglent et les désirs qui nous aveuglent. Et à ce moment-là, on ne peut plus distinguer le vrai et le faux, le bien et le mal, et ainsi de suite. Le cheikh il dit ensuite, « وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا أي السفيه منا، سفيهنا يعني السفيه منا، يعني في أظهر قولي العلماء. وقال غير واحد، فقال غير واحد من السلف كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا. يعني le cheikh il explique ici, il dit que, donc il cite les versets 1 à 6 dans sourate al-jin. Il dit que Allah Azza wa Jal, il mentionne donc dans sourate al-jin les versets 1 à 6, ce qui signifie, dit au Muhammad, il m'a été révélé qu'un groupe de djinn prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. C'est-à-dire, on ne fera jamais de shirk avec en associant quiconque à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne, ni enfant. Notre insensé, Iblis, le diable, disait des extravagances contre Allah, et nous pensions que ni les humains, ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah. Or, il y avait des humains, des mâles, qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. Mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Leur détresse, yani leur transgression, leur mécréance. Et le cheikh, il dit, As-safihu minna, yani le faible d'esprit d'entre nous, c'est-à-dire, yani parmi les paroles les plus apparentes des ulama, plusieurs d'entre les salafs, les ulama des salafs, ont dit que, à l'époque, de la pré-islam, c'est-à-dire avant la venue de l'islam, lorsque les Arabes ils descendaient dans une vallée, ils disaient « Je cherche refuge en le grain de cette vallée contre le mal des faibles d'esprit de son peuple. » et c'est-à-dire le grand parmi les djinns de cette vallée, contre le mal des faibles d'esprit, hein, de parmi les djinns. Et il dit, et lorsque les êtres humains cherchaient le refuge en les djinns, eh bien ça les augmentait, ça augmentait les djinns en transgression et en mécréance. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique ici ce passage-là, il dit, yani Allah Azza wa Jal, il dit, يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ثُمَّ ذَكَرُوا مَا عَلَيْهِ أَقْوَامَهُمْ مَا عَلَيْهِ أَقْوَامُهُمْ مِنَ الضَّلَالِ وَالضَّيَاعِ فَكُلُّ هَذِهِ الْآيَاتُ فِي إِيمَانِ الْجِنِّ بِالرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْمُهُمْ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ مِنَ الْجِنِّ يعني سفيهنا أي سفيه الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فهذا مما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا نزلوا منزلا في البر يستعيذون بعظيم الوادي من الجن أن يكف عنه سفهاء قومه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يقولوا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يعني كما في الحديث الذي أخرجه مسلم عن خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. Donc ici le cheikh il explique que Allah Azza wa Jal, il dit donc dans ce verset-là, les versets 2 à 3, comme on a lu déjà, ils ont dit les djinns, يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَّا بِهِ. C'est-à-dire que ce Coran qu'ils ont entendu, il guide vers la droiture, alors ils disent, nous y avons cru. Et ils ont mentionné ce que leur peuple faisait comme égarement, et comment ils étaient perdus. Et puis, tous ces versets-là mentionnent donc la foi des djinns en le messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le blâme qu'ils ont adressé à ceux d'entre eux parmi les djinns qui refusaient de croire et ils les ont traités de safihul djinn, c'est-à-dire faibles d'esprit. Ceux qui n'ont pas cru, ils ont traités de faibles d'esprit. Et il dit ensuite dans le verset 6, dans Surat al-Djinn, qu'il y avait des mâles parmi les êtres humains qui cherchait le refuge en les mâles parmi les djinns. Et donc, dans ce qu'il a mentionné ici, le cheikh, il explique que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il mentionnait que les mushrikines, lorsqu'ils descendaient dans des vallées, pendant qu'ils voyageaient dans les différentes contrées, dans la campagne ou dans le désert, par exemple, et qu'ils arrivaient dans une vallée ou quelque chose comme ça, les mouchriquins cherchaient le refuge, ils demandaient la protection des grands djinns, des grands parmi les djinns de la vallée, pour que les grands parmi ces djinns les protègent contre les faibles d'esprit parmi leur peuple. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné donc aux musulmans de chercher le refuge en Allah Azza wa Jal. Et de dire, comme c'est rapporté par Muslim dans son sahih, selon Khawla bint Hakim, de dire, qu'elle a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait, lorsque vous descendez quelque part et que vous vous installez quelque part comme ça en voyage, dites, je cherche refuge en les paroles d'Allah, en les paroles complètes d'Allah ou en les paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Il dit, et à ce moment-là, il n'y a rien qui ne lui fera de tort jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit, jusqu'à ce qu'il parte de cet endroit-là. Donc ça, c'est un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour chercher protection contre les djinns lorsque quelqu'un descend quelque part ou arrive quelque part en voyage, il cherche refuge en Allah. Et il dit, وَكَمَا قَالَ تَعَالَى أَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يعوذون برجال من الإنس وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. يعني فالاستعاذة قوم فالاستعاذة نوع من أنواع العبادة، فلا يستعاذ إلا بالله، فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك، أشرك في العبادة. Donc ici le cheikh il cite les versets 6 et 7 dans Surat al-Jin qui sont en fait à la suite des versets qu'on a lus tout à l'heure. Et dans ces versets-là, Allah Azza wa Jal, il dit donc, or il y avait parmi les êtres humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse et ils avaient pensé, comme vous avez pensé, qu'Allah ne ressusciterait jamais personne. Et nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de, hein, et de météores, hein, de bolides. Nous prêtions place pour écouter. Hein, et quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un météore aux aguets. Donc ici, le cheikh, il explique que... يعني شيخ الفوزان اللي explique ça, il dit الاستعاذة نوع من أنواع العبادة فلا يستعاذ إلا بالله فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك أشرك في العبادة وكانوا في الجاهلية لجهلهم بذلك كانوا يستعيذون بالجن يعني بدلا من أن يستعيذوا بالله يعني كانوا يستعيذون بالجن فكان أحدهم إذا نزل منزلا في وادي من الأودية قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه وهذا شرك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وعلم المسلمين في أن يتركوا هذا الشرك وأن من نزل منزلا فإنه يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإذا قالها ما يضره شيء ما دام في منزله ذلك لأن من استعاذ بالله أعاذه الله عز وجل وهو يعني وهو يجير ولا يجار عليه فهو يعيذ من استعاذ به فهذا يدل على أن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله أو بصفة من صفاته وهي الكلام لأن الكلام من صفات الله سبحانه وتعالى فإذا استعاذ بكلام الله أو بكلمات الله التامات فقد استعاذ بالله لأن الاستعاذة بالصفة استعاذة بالموصوف هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في الاستعاذة وأنزل الله عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا مثل ما جاء في هذا الحديث فزادوهم أي يعني زاد الجن زاد الجن الإنس رهقا أي كبرا وإعجابا بأنفسهم حيث إن الإنس خضعوا لهم واستعاذوا بهم وقيل المعنى زاد الجن الإنس رهقا لأن من استعاذ بغيره من استعاذ بغير الله أخافه الله ومن استعاذ بالله حماه الله وأعزه وحفظه ومن استعاذ بغير الله أذله الله وصلت عليه الجن وغيرهم وصلت عليه الجن وغيرهم فزاد الجن الإنس رهقا أي خوفا وضعفا وعقوبا عقوبة لهم والشاهد من هذا أن الاستعاذة يعني عبادة فلا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى ودل هذا على أن كلام الله غير مخلوق وأن الاستعاذة لا تجوز بالمخلوق فدل على أن كلام الله صفة من صفاته وهو غير مخلوق. نعم. Donc ici le cheikh il explique que le fait de chercher refuge hein, et protection, hein, ça c'est une forme d'adoration en soi. Et que l'adoration, comme on le sait, c'est un droit exclusif d'Allah Azza wa Jal. On n'a pas le droit de vouer l'adoration à quiconque en dehors d'Allah Azza wa Jal ou à quoi que ce soit. Et donc, si on doit chercher protection ou refuge, on ne recherche la protection et le refuge que en Allah Azza wa Jal. Et si quelqu'un cherche le refuge et la protection en autre que Allah, et bien à ce moment-là, il a commis du shirk, c'est-à-dire, il a associé avec Allah Azza wa Jal. Et dans la jahiliya, hein, à l'époque pré-islamique, les gens, à cause de leur ignorance, eh bien, yani, ils cherchaient le refuge yani, en les djinns. Au lieu de chercher le refuge en Allah Azza wa Jal, hein, ils cherchaient le refuge et la protection des djinns. Et donc, quand un d'entre eux descendait, ou quand ils descendaient en groupe dans une vallée quelconque pour pendant un voyage, ils s'installaient dans la vallée pour faire leur campement et ils cherchaient le refuge du chef de cette vallée parmi les djinns contre le mal des faibles d'esprit de son peuple parmi les djinns. Et ça, c'est du shirk. Hein? Et c'est pour ça que le messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné aux compagnons et aux sahaba, donc, il a enseigné aux musulmans de délaisser ce shirk et de lorsqu'ils s'installent dans une vallée quelconque pendant un voyage, de dire je cherche le refuge en les paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Et lorsque le musulman dit cette parole, il est protégé par Allah Azza wa Jal. Il n'y a rien qui va l'affecter pendant tout le temps où il est installé à cet endroit-là parce qu'il a demandé la protection d'Allah. Allah Azza wa Jal le protège. Wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi. C'est-à-dire, yani, c'est lui qui protège et personne ne peut protéger contre lui. Et ça, c'est le verset 88 dans Sourate Al-Mu'minun. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit que donc celui qui cherche refuge en Allah, Allah, il le protège et il lui offre refuge. Et ça, c'est la preuve que on ne doit pas demander la protection et le refuge excepté d'Allah. Et que si on demande la protection de l'attribut d'Allah, eh bien, ça aussi, c'est permis puisque ça fait partie de chercher protection d'Allah. Hein? Et ici, on cherche la protection en la parole d'Allah ou en les paroles parfaites d'Allah. Et la parole d'Allah, c'est son attribut. Et si on cherche la protection en l'attribut d'Allah, ça équivaut à chercher la protection de celui qui détient cet attribut, c'est-à-dire ici il s'agit d'Allah Azza wa Jal. Et le cheikh explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné donc à la Umma qu'est-ce qui a rapport avec la demande de protection et la demande de refuge. Et Allah Azza wa Jal, il a révélé dans le verset 16 dans Sourate Al-Jinn, ce qu'on a lu tout à l'heure, qu'il y a des mâles parmi les êtres humains qui cherchaient le refuge en des mâles parmi les djinns. Et il dit ça les a augmentés en détresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh, il explique que l'explication de ce verset-là, comme il y a l'explication telle que c'est mentionné dans le hadith qu'on a lu au sujet de le fait de chercher refuge en Allah seul. Et quand il dit fazaduhum, c'est-à-dire yani, les djinns ont augmenté les êtres humains en détresse. Hein? C'est-à-dire, yani, certains ont expliqué en voulant dire que c'était rahaqan dans le sens de l'orgueil ou le fait d'être ébloui par eux-mêmes, du fait que l'être humain se sont soumis et ont cherché refuge en les djinns. Et d'autres ont expliqué que la signification de rahaqan, c'était le fait que les djinns hein, ont augmenté les êtres humains en détresse parce qu'il, du fait qu'ils ont demandé le refuge et la protection à d'autres que Allah, eh bien Allah a fait en sorte qu'ils aient peur yani de tout, hein, parce qu'ils ont yani, ils ont cherché refuge en autre que Allah, alors Allah les a effrayés de toute chose. Tandis que celui qui cherche le refuge en Allah, Allah le protège contre tout et l'élève et lui donne la force et le préserve. Tandis que celui qui cherche refuge en autre que Allah, eh bien, Allah l'humilie et il met les djinns, hein, il place les djinns au-dessus de lui, hein, ainsi que les autres créatures. Et donc, par conséquent, les djinns augmentent, hein, en transgression contre les êtres humains et les êtres humains augmentent, eux, en détresse et en faiblesse comme châtiment, hein, pour eux à cause de ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer ici comme leçon par rapport à la signification de ce verset-là et de cette explication? C'est que al-isti'adha, le fait de chercher le refuge et la protection, c'est une forme d'adoration et que ce n'est pas permis de le demander à autre que Allah Azza wa Jal. Et il dit le cheikh que ça c'est la preuve que la parole d'Allah, elle n'est pas créée, puisqu'on a le droit de demander la protection d'Allah en demandant par sa parole. Donc ça prouve que c'est un de ses attributs, et les attributs d'Allah ne sont pas créés. Et que ce n'est pas permis de chercher la protection d'une créature. Donc ça veut dire que ici, c'est la preuve que la parole d'Allah n'est pas une créature, donc c'est la parole d'Allah n'est pas créée. Donc ça, c'est une réfutation des Mu'tazila et des Jahmiyyah qui nient que la parole d'Allah est une de ses attributs et que ce n'est pas créé. Donc, yani, ça c'est la fin de ce qu'on explique aujourd'hui. On expliquera la suite de ça au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.